Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le gouvernement du Burundi compte rayer de la liste des opérateurs du secteur pétrolier les propriétaires des stations qui ont refusé de distribuer le carburant. Dans cette édition, vous entendrez le porte-parole du président de la République. À Kayanza, on vous parlera d'une école fondamentale de Muruta qui a plus de 700 élèves, mais ces derniers partageaient 4 latrines. Et comme à l'accoutumée, tous les samedis après cette édition, vous avez droit à la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel et bienvenue pour les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les responsables des stations-service qui ont refusé de distribuer le carburant vont être rayés de la liste des opérateurs de ce secteur lors d'une réunion de quadrilogie ce vendredi à Mwaro. Le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du président de la République précise que ces stations vont être exploitées par l'État. Suivez Alain Diomède Nzeimana et porte-parole du président de la République. Il y avait quelques semaines, le problème de carburant n'était plus, il était résolu, mais c'est observé un comportement de certains commerçants qui ont décidé de ne plus vendre le carburant. Alors, des décisions doivent être prises. On va décider de prendre ces stations appartenant à ces soi-disant commerçants. Alors, on va les exploiter et on va radier ces personnes-là des listes de commerçants qui font le commerce de carburant. Je suis certain qu'il y a d'autres individus qui pourraient le faire. Une autre chose, c'est la justice. La justice, elle se comporte très bien. Son excellent président de la République en est satisfait. Mais il y a des magistrats qui ne sont pas aussi professionnels que l'on le voudrait. Le cas de la CNTB qui a arrêté ses travaux parce que son mandat a expiré, mais il y a une décision qui va peut-être tomber d'ici quelques jours où les dossiers qui étaient au niveau de la CNTB vont être transférés au niveau de la CVR pour que normalement le rôle de la CNTB c'était pour essayer de faire entendre les gens, mais c'est comme si c'était la justice comme nous la connaissons. Alain Diomède Nzeimana est porte-parole du président de la République. Éducation à présent, les parents et éducateurs de la province Karoo s'inquiètent de la que la plupart d'élèves qui terminent les humanités ne parviennent pas à poursuivre leurs études dans les universités malgré leur réussite à l'examen d'État suite au manque de moyens financiers. À cette préoccupation, le Premier ministre Gervais Ndira Kobucha les a rassurés que le gouvernement a déjà constaté ce problème et que des remèdes sont en cours d'imagination. Cela a été dit lors de la réunion ce jeudi, une réunion qu'il a tenue à l'intention des responsables de différents services œuvrant dans la province de Karoo, Blaise Pascal Kararoumi. Un des éducateurs scolaires indique que les parents et les éducateurs sont inquiets de l'avenir de leurs enfants qui terminent le poste fondamental, même si ces derniers ont réussi à l'examen d'État. Il signale qu'ils restent à la maison, d'autres sont en errance à la recherche de l'emploi dans d'autres provinces et même en dehors du pays suite au manque de moyens financiers pour pouvoir poursuivre leurs études à l'université. Dans cette réunion de ce jeudi au chef-lieu de la province Karoo, une réunion tenue par le Premier ministre, ce responsable scolaire a expliqué que ses élèves ayant réussi à l'exit ne trouvent pas de moyens exigés par les universités privées, du moment que l'université du Burundi, quant à elle, exige la note la plus élevée pour y accéder, une note qui les exclut, explicite ce dernier. C'est ainsi que les parents et éducateurs demandent la revue en baisse d'une note exigée pour accéder aux universités publiques pour qu'elles dispensent des enseignements universitaires aux filles et fils du pays. Le Premier ministre, répondant aux différentes questions et suggestions, il a signalé que même le gouvernement a déjà constaté ce problème soulevé et qui handicapera l'éducation de ses enfants. Gervais Ndira Kobucha a indiqué que le gouvernement vient même de donner à l'université du Burundi un complément à son budget pour que cette année académique, l'université du Burundi puisse augmenter l'effectif des nouveaux étudiants. Il explique que le gouvernement est en train d'explorer les voies et moyens pour que l'université du Burundi puisse accueillir la majorité des élèves ayant réussi à l'examen d'État et octroyer la prébourse aux seuls étudiants qui ont eu une note plus supérieure par rapport aux autres et selon les moyens disponibles, et que cela va sauvegarder l'équité et la promotion de l'éducation des enfants du pays. Depuis Karoo, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Toujours éducation cette fois-ci à Kayanza où l'école fondamentale Muruta souffre de l'insuffisance des latrines. Francine Imerubunu, directrice de cette école, fait savoir que plus de 700 élèves partagent un bloc sanitaire de 8 latrines seulement. Hachimana Odas, administrateur communal de Muruta, promet qu'en collaboration avec le directeur communal d'enseignement en cette commune, ils vont trouver une solution à ce problème, n'est-ce pas Patrick Nsengiyumva? Comme l'indique Francine Emerubunu, cette école fondamentale Muruta, sise à la colline de Muruta, près du bureau communal Muruta, abrite 710 élèves qui partagent ce bloc sanitaire de 8 latrines seulement. Cette directrice de l'école fondamentale Muruta fait savoir que, à ces 710 élèves de l'écofond Muruta, s'ajoutent d'autres 208 élèves de l'écofond Miugariro qui utilisent les mêmes latrines. Francine Emerubunu dit qu'un autre problème très important qui s'ajoute à celui de l'insuffisance des latrines est celui du sous-sol à la colline Muruta, où on ne peut pas creuser une latrine de plus de 3 mètres faute d'un rocher qui s'y trouve. Consécutivement à cette situation déplore, la directrice de l'écofond Muruta, des latrines en usage par tous ses élèves, se bouche rapidement, bien que l'administration intervienne souvent pour des frais de vidange. À cause de l'insuffisance des latrines dont souffre l'école fondamentale Muruta, souvent des élèves se soulagent à l'air libre dans l'espace environnant l'école, ce qui inquiète la population environnante de cet établissement, surtout pour crainte des maladies dues au manque d'hygiène. La même population plaide pour l'extension de ces latrines. Nyandu Poncier, président du comité de gestion de l'école fondamentale Muruta, fait savoir que les parents des élèves et la direction de l'école sont beaucoup préoccupés par l'insuffisance de ces latrines. Hachimana Odas, administrateur communal de Muruta, promet qu'avec l'administration en collaboration avec la direction communale d'enseignement en cette commune, cette question trouvera solution, surtout pour prévenir des maladies des mains sales pour les élèves qui étudient à cet établissement scolaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. Toujours dans cette province, un homme originaire de la colline Kibaribari en commune Gatara de la province Kayanza est locataire du cachot communal Gatara. Des informations en provenance de Kibaribari indiquent qu'il a été arrêté après avoir endommagé un champ de maïs d'un chef collinaire Kibaribari la nuit du vendredi à samedi. Ndekenguru, qui est la victime, fait savoir que l'auteur de cet acte le menaçait de fuir, de faire du mal, accusant d'être la cause de rater la place et dans l'élection des notables collinaires passés. La même nuit, un autre champ de maïs se trouvant dans le marais de Rouvoubou d'un moniteur agricole a été également endommagé. Cela arrive il y a une semaine, des autres champs de maïs, parmi lesquels celui du chef collinaire Mounini en cette même commune Gatara, ont été endommagés. L'administrateur communal Gatara s'inquiète de la situation. Donatien Dikoubguimana, conseiller en charge des affaires sociales et juridiques, appelle la population à saisir les instances et judiciaire en cas de conflit plutôt au lieu de recourir à la justice populaire. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. À 13h06, poursuivons cette édition des personnes mortes et le bilan provisoire d'un accident de roulage qui s'est produit le matin de ce samedi dans la localité appelée Mugwingwe, en commune Mugamba de la province Bururi, où un camion plein de sacs de ciment en direction de la province Lutana s'est renversé selon les sources policières à Mugamba. Jusqu'à 10h, la police attendait une dépanneuse pour soulever ce camion afin de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres victimes de cet accident. Des hôtels œuvrant au Burundi sont appelés à respecter les normes de qualité qui leur sont exigées. Docteur Faïda Catherine, secrétaire permanent au sein du ministère du Tourisme, lance cet appel ce samedi après la remise de 3 certificats de qualité au niveau international à l'hôtel Club du lac Tanganyika par l'association suisse pour système de qualité et de management. Docteur Faïda Catherine indique que bientôt le ministère visitera les hôtels de la capitale. Suivez. Au regard des certificats qui viennent d'être octroyés à l'hôtel et club du lac Tanganyika, nous interpellons d'autres hôtels de suivre l'exemple de cet hôtel, qu'ils puissent suivre cet exemple, pour qu'ils puissent suivre les normes de qualité et que nous leur demandons de suivre. Et nous voulons qu'un jour, tous les hôtels nous appellent dans des cérémonies pareilles pour que nous puissions leur octroyer des certificats de qualité. Certains hôtels qui sont certifiés selon les normes de l'East African Community, mais il n'y a pas plusieurs qui sont certifiés selon les normes ISO. Donc, nous interpellons donc ces hôtels de suivre donc l'OPA, de suivre l'exemple de ces hôtels, très peu d'hôtels qui sont certifiés selon les normes ISO, parce que ce sont les normes internationales. Donc, au moment où nous sommes en train de faire l'identification des entreprises qui ne respectent pas convenablement les normes de qualité, on ferme les entreprises qui ont donc des normes de qualité douteuses pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'on puisse voir ce qui ne marche pas, pour qu'on puisse les accompagner justement, pour qu'ils puissent répondre aux normes de qualité exigées. Et pour boucler cette édition, grogne des membres du parti Sénel en commune Moussigati de la province Boubanza, interdit à célébrer le troisième anniversaire de ce parti. Dans sa correspondance, Jackson Nikobiri, administrateur par intérim, a précisé que le représentant du parti Sénel ne devrait pas informer l'administration comme il l'a fait dans sa lettre du 4 courant et qu'il devrait plutôt demander l'autorisation. Cléophas Nidzigimana, gouverneur de la province Boubanza, explique qu'il va enquêter comment les choses se sont passées. Et voilà, à 13h08, c'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Anselme Irambona pour la mise en onde. Je cède le micro à Jean Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. De la presse. Bonjour ou bonsoir. Un accréditif pour avoir une notation 2022, rapporte La Voix de l'enseignant. Selon le communiqué qui appelle les enseignants à prêter leur bulletin de paye, les directeurs des écoles leur signifient que quiconque n'amène son accréditif ne fera pas partie de ceux qui vont bénéficier des réformes sur la politique salariale. C'est sur ce document que l'on peut lire les catégories, grades et échelons sur lesquels les fonctionnaires reçoivent leur salaire mensuel, précise ce journal. Pourquoi alors c'est l'enseignant qui doit lui-même aller le chercher, sachant que c'est la fonction publique qui détient les dossiers et qui connaît l'avancement de la carrière des enseignants ou de tout autre fonctionnaire, s'exclame ce confrère, qui note quand même que parmi les signes avant-coureurs de la mise en exécution de la politique salariale qui, selon cet hebdomadaire, devrait intervenir avec le mois de janvier 2023, c'est que le nouveau bulletin de notation porte l'en-tête du ministère de la fonction publique au lieu du ministère de l'éducation auquel l'enseignant exerce ses fonctions. Ce stimulus explique aussi pourquoi les enseignants se ruent vers les institutions bancaires qui logent leur salaire. Cet hebdomadaire de l'éducation constate aussi que l'impatience domine parmi les enseignants pour voir se réaliser la politique salariale, longtemps entendue mais jamais aboutie. Les consommateurs des produits alimentaires à Bururi craignent une pénurie de certains produits vivriers comme le maïs, le haricot, les tubercules et les légumes, écrit l'agence burundaise de presse, qui a constaté qu'une fois sur le marché, ils sont vite vidés des stocks et les prix sont très élevés. Ce confrère donne des exemples. Le kilo de maïs coûte actuellement 2100 francs, celui des haricots de dernière qualité s'achète à 2000 francs, un sac de patates douces coûte 2000 francs, le prix des légumes a presque doublé. Ce journal note quand même que le prix de la pomme de terre reste stable entre 1000 et 1100 le kilo, et le prix de l'huile de palme a chuté pendant cette période, passant de 23 000 francs burundais pour un bidon de 5 litres à 18 000 francs. La BP souligne que la population perd espoir d'un soulagement du fait que l'été s'est prolongé de 2 mois, et que c'est avec ce mois de novembre que les agriculteurs ont commencé les premiers semis de maïs sans fertilisants chimiques, explique-t-il toujours dans les colonnes de ce quotidien, car le bureau en charge de l'agriculture à Bururi ne dispose que de dolomie utilisée pour réduire l'acidité du sol et le KSL qui sert au sarclage alors que les agriculteurs ont pour le moment besoin du fertilisant DAP. Et selon Burundi Echo, citant des informations relayées par Business Day Ilia Africa, puis reprises par l'agence Ecofin, l'insécurité alimentaire guette la sous-région en raison de la sécheresse prolongée qui bouleverse le commerce transfrontalier entre les pays membres de l'Afrique de l'Est. Ce journal rapporte que le gouvernement tanzanien a décidé de geler l'octroi des permis à l'exportation du maïs. Cette restriction commerciale est motivée par la faible récolte anticipée cette année du fait de la sécheresse. Le premier fournisseur de cette céréale en Afrique de l'Est table sur une production de 5,9 millions de tonnes contre 7 millions de tonnes un an plus tôt. Cette situation devrait réduire le surplus exportable à seulement 100 000 tonnes contre 800 000 tonnes l'année dernière, poursuit son confrère. D'après cet hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques, le Kenya fait également face à une flambée des prix du maïs sur le marché intérieur en raison de la sécheresse. De surcroît, les exportateurs ougandais préfèrent envoyer leur cargaison vers le marché sud-soudanais en raison de tarifs plus attractifs. On termine cette revue de presse par Net Press, qui publie une copie de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui montre que selon des prévisions, à la mi-novembre, le cap de 8 milliards d'habitants sur la planète Terre sera franchi. Dans cette déclaration intitulée « 8 milliards de personnes, une seule humanité », le numéro 1 de l'ONU regrette que des milliards de personnes souffrent. Des centaines de millions sont touchés par la faim, voire la famine. Elles sont plus nombreuses que jamais à se déplacer pour trouver des moyens de s'en sortir et à fuir les dettes et les privations, les guerres et les catastrophes climatiques. Relaye son quotidien à ligne Net Press. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.